Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné pour parler encore de cinéma en bonne compagnie avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui d'un film de super-héros. Alors c'est vrai qu'Aurore et moi aimons bien les super-héros. Marvel, bon même si parfois c'est toujours pareil, il faut dire les choses. Mais là, étonnamment, voilà, il y a un film Marvel donc de la phase... C'est le dernier de la phase 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai arrêté de compter. ouais, j'ai essayé de me remettre un peu à jour parce que j'avoue que je me perds un petit peu entre les films et les séries. Mais normalement, voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier film Marvel de la qui clore la phase 5 avant d'arriver à la phase 6 avec les 4 Fantastiques. On en reparlera certainement. Donc, c'est Thunderbolts. Marvel Studios donc, rassemble cette fois-ci une équipe de anti-héros peu conventionnels. On a Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker, tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, s'est laissé pour compte complètement désabusé, doivent participer à une mission à haut risque qui les force à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchira-t-il ou, au contraire, trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Voilà pour le pitch de ce Marvel qui, bon, sur le papier annonce un film somme toute classique, mais, oui. mais a priori, on a quand même été agréablement surpris. Qu'en as-tu pensé, Aurore? Oui, effectivement, quand il est sorti, on a eu un petit peu un peur de chez Suicide Squad, de chez DC Comics. Oui. Voilà, sur les dernières années, Marvel n'était pas au meilleur de sa forme, clairement, avec quelques films qui étaient à la fois vides de sens et sans aucune utilité. C'est pour être poli et gentil. et oui, effectivement, c'était le film où on n'était pas du tout... c'est ça, assez banal, on n'avait pas forcément envie de le voir. Et au fur et à mesure des trailers, on se disait... Oui, bon, après, c'est Marvel et les blockbusters et les trailers sont souvent bien réussis. Et généralement, quand on va au cinéma, on n'est pas surpris dans le bon sens, on va dire. Et là, effectivement, donc c'est un film qui a plutôt bien fonctionné, qui est porté par Florence Pugh, qui joue du coup la nouvelle Black Widow, oui. La sœur du coup de Natasha Romanoff. Effectivement, c'est un film, donc... Il est noir sans lettres, on va dire. J'ai trouvé. Ça apporte, ça. Il parle de sujets qui sont assez intéressants et il y a quelques. Enfin voilà, le sujet général du film est très bien, très intéressant. Le rythme aussi. J'ai pas vu le temps passer. Les 2 heures et quelques de film, je les ai pas vus passer. Ça m'a assez surprise d'ailleurs. ça change de Captain America de début d'année. en plus du rythme, en fait, je pense que le rythme aussi a été fait grâce au fait que l'équipe fonctionne tout de suite très bien. C'est la dynamique en fait entre les différents super-héros, anti-héros comme anti-héros, ils disent, oui mais ça reste bon, des super-héros quand voilà. même. se fait de façon extrêmement naturelle et en fait c'est le film qui va rejoindre du coup parce qu'on a eu Black Widow, on a eu la série Falcon and Winter Soldier, on a eu Ant-Man et aussi. Oui. Et la guêpe, je crois, parce qu'elle apparaît dans le deuxième, il me semble. Ouais, c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises, ouais. Et donc, du coup, c'est tous des personnages où on les avait introduits sans les introduire, et donc, du coup, on n'avait pas trop vu l'utilité des séries Falcon, tout ça, c'était pas vraiment... Oui. Voilà, et là, du coup, c'est un peu la pierre angulaire de tout ce qui s'est passé. Effectivement, donc je comprends mieux pourquoi c'est le dernier film de la phase 5 qui vient lier tout ça. Et ça fonctionne très bien. Vraiment, la dynamique entre les personnages et Florence Pugh qui prend le pied levé sans le prendre. C'est pas forcé. Au contraire, justement, il y a pas mal de blagues qui là-dessus sur le fait que c'est les autres qui vont prendre la main et en fait, ça se fait plutôt naturellement. Et ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Oui, voilà. Ça t'a plu, en tout cas. Ouais. Alors, le sujet du film, bon, tu l'as pas forcément dit, mais c'est vrai que voilà, ça parle pour ainsi dire de la santé mentale, hein, C'est ça, finalement. ouais. Donc, c'est vrai que c'est plutôt novateur, on va dire, pour un film Marvel. Donc, Oui. comme tu l'as dit, c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est sombre sans l'être. C'est C'est ça. vrai que voilà, à certains moments, oula, on sent des lourdeurs, mais pas lourdeurs dans le sens, c'est le film est Oui. lourd, mais des lourdeurs où voilà, ça rentre dans quelque chose de lourd, de sombre, etc. Et en même temps, voilà, il y a ces petits moments un peu plus légers. Alors bon, Marvel ne peut pas s'empêcher d'amener de l'humour, bien évidemment. Ouais, mais pour une fois, ça marche Oui, bien. ça va, Pour une oui. fois, ça nous fait Bon, sourire peut-être parce parfois que le curseur est un poil encore trop c'est poussé, ça, mais ça, c'est mon ouais. avis personnel. Bah après, Mais je suis d'accord avec toi, il est quand même pas mal amené. ouais, avec Red Oui. Guardian, voilà, le curseur est très élevé. Oui, oui, Et oui. Bon, après, au c'est son contraire, je trouve, personnage qui c'est veut ça, ça. c'est ça. Et Oui. oui, mais tu vois, par rapport aux films Marvel les plus récents où on grinçait des dents à chacune des blagues qui essayaient d'être faites, là, ça passe beaucoup, ça passe mieux. Voilà, on sourit, on rigole vraiment. Et oui, même le sujet traité de la maladie mentale et de la dépression n'est pas fait tant en cliché que ça. Elle est bien illustrée. C'est pas poussé au ridicule ni quoi que ce soit. On voit qu'ils ont voulu prendre le sujet bien au sérieux et ne pas pousser trop loin non plus. Et ça, c'est vraiment bien fait. Parce que voilà. Oui, parce qu'en plus, donc en effet, ces anti-héros, donc qui sont toujours des personnages secondaires, donc il y a un peu cette notion de légitimité aussi, de se dire voilà, on agit toujours dans l'ombre, on est un peu les faire-valoir, parce que Ouais. bah Mais ils s'en le plaignent pas. mais voilà, oui, C'est non, ils s'en ça. plaignent pas, Ils c'est s'en vrai. plaignent Oui, pas oui. et ils reconnaissent que voilà, ils ont fait des choses mauvaises, mais pas de là à se lamenter sur leur sort. Non, Bien au c'est vrai. contraire. Et Oui. c'est un peu ce qu'on avait peur, enfin personnellement ce que j'avais peur, c'est que ça se lamente en fait sur leur propre sort de qu'ils y peuvent rien, c'est la société, etc., etc. Alors que non, en fait, ils le prennent ils le prennent assez facilement et de façon assez légère et c'est plutôt bien accompagné au contraire. Et c'est vrai que pour le coup, bah le Némésis, le méchant, bah ça amène justement voilà cette santé mentale parce qu'on voilà on a tout nouveau personnage qu'on retrouvera probablement, voilà sans en dire trop. Et bah c'est vrai que pour le coup, c'est un peu la métaphore finalement du cœur du film C'est ça. aussi. Et j'ai trouvé que voilà pour un méchant, c'était plutôt pas mal. Bon, il est pas parfait, Ouais. je trouve. Je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, Bah, mais c'est quand même intéressant. ouais, c'est encore un méchant qui devient gentil, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon. Voilà, c'est. Après, voilà, ça reste quand même un méchant qui a du sens. Certes, c'est un méchant qui devient gentil, mais c'est aussi le principe de l'ambivalence. Et c'est ce qu'ils expliquent tout le long du film, c'est par vagues, en fait, la dépression. Il y a des fois où on voit très bien, il y a des fois où on est au fond du trou. Et donc, du coup, le fait qu'il devienne gentil, on se dit, c'en est encore un. Que ça enchaîne pour l'instant, mais au final, c'est pas si dérangeant que ça parce que ça tombe dans la logique du personnage. Ça Oui, va oui, encore. oui. Et en vrai, voilà, c'est vrai que comme tu le disais, ces anti-héros, voilà, le groupe fonctionne très bien. Finalement, on est presque même dans un film anti-spectaculaire, parce qu'il n'y a pas tant d'action que ça, Non, finalement. C'est non. des scènes qui arrivent par moment, mais pour le coup, quand l'action arrive, elle est très bien faite, je trouve. Oui, bah on voit qu'ils ont fait un effort sur les décors. Ça, ils ont enfin compris un peu l'action vite fait. Mais ouais, c'est ça. Ça y est, ça devient. Hein, peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait retourner un petit peu plus sur des décors plus naturels Ouais, on que sent des vraiment, oui, forêts. comme tu dis, un côté très naturel dans le film. Il n'y a pas tant que ça d'effets numériques. Il y en a Non, mais forcément, forcément, hein. mais Oui, bien oui. évidemment. Mais c'est vrai que voilà, ils font quelque chose finalement de simple en fait, hein. Ils reviennent un peu aux bases et ça fait Oui. du bien. Ça fait un peu une respiration, Ah bah voilà, oui, il y a aussi. plusieurs Ouais. références au premier Avengers, voilà, qu'on voit assez facilement, qu'on remarque quand on connaît l'univers. Mais voilà, pareil, c'est des clins d'œil qui passent bien en fait. Ils sont pas poussés et on se dit ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas forcé comme dans certains films. Non, non, non. Et puis, bon, bah, la campagne promotionnelle l'a montré, hein, après la sortie du film. Voilà, Thunderbolt, ça a été, entre guillemets, déchiré le titre. pour dire que c'était les nouveaux Avengers. Alors ça... bon, je sais pas trop ce que ça va donner, voilà. Je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. Non, je pense pas non plus. Vraiment, tout ça. Alors, autant là-dessus, le film, le sujet de la dépression, etc., très intéressant. La mise en place de l'équipe se fait de façon assez logique. Voilà, Thunderbolt, la façon dont ils l'ont adopté, ça reste... C'est drôle. Mais par contre, se transformer en The New Avengers, je pense que c'était vraiment pas obligé. Toutes les blagues, et toute la fin, en fait, je trouve... J'ai un peu envie d'oublier cette partie-là. Ouais. De me concentrer sur tout le début du film et pas sur le reste. Les costumes, etc., les scènes post-génériques. Alors, on verra ce que ça donne, mais... C'est vraiment, je pense que c'était vraiment pas obligé. Faire une bonne nouvelle équipe qui fonctionne bien, ça va très bien. Mais alors, par contre, adopter le nouveau nom, non. Ça, oui, bon, on verra bien si Marvel va retomber dans ses travers, mais bon, voilà. Parce que le prochain, donc Marvel, donc qui va démarrer la phase 6, et ce sera le dernier Marvel pour cette année, donc c'est les 4 Fantastiques, qui a l'air aussi très intéressant. Oui. En tout cas, enfin, il donne envie. Ouais, ce qui va être intéressant. Enfin, normalement, c'est dans un autre univers. Oui. Donc, on va sortir de tout l'autre univers. Donc, on va instaurer un nouvel. Donc, ça peut rester intéressant. Oui. À voir. Voilà, on attendra début juillet. Mais en tout cas, voilà, on ne peut que vous conseiller d'aller voir Thunderbolts au cinéma. Voilà, qui va rester un petit temps, qui marche bien d'ailleurs au cinéma. Et qui vaut vraiment le coup d'œil et qui donne un vent de renouveau chez Marvel. Après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique, comme à son habitude, Aurore a déniché des fun facts. D'ailleurs, je pense que dans les Marvel, il doit y en avoir énormément. Oui. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais là, de quoi vas-tu nous parler? Alors, j'ai choisi de pas prendre à Marvel parce que je me suis dit, on va peut-être pas faire une redondance. Oui. Mais tu pourras le garder, voilà, c'est ça, pour une prochaine pour fois. Non, je vais parler d'un alors un film américain, mais extrêmement connu, qui s'appelle Titanic. Ah bon? Je sais pas si tu connais. Alors. C'est par rapport au réalisateur, donc James Cameron, pour préparer le film Titanic. Il a voulu vraiment s'imprégner du décor du bateau sur lequel se passe l'action. Parce que Titanic, du coup, c'est un bateau. donc il a voulu vraiment s'imprégner. Donc il a fait plusieurs virées sous-marines pour aller voir le bateau. Il a analysé des maquettes 3D. Ils ont fait toutes des maquettes 3D pour pouvoir refaire les décors, etc., etc. Et donc, tout ce travail d'analyse, toutes ces heures et même ces jours de travail d'analyse, en fait, c'est plus long que la durée qu'ont passé les voyageurs sur le Titanic à l'époque. Ah bon? Je sais pas quelle est la durée du voyage départ. Alors, il y a eu plusieurs embarquements. Ah oui, le oui, dernier embarquement oui. a été en Irlande, le 11 avril 1912. Et le naufrage a eu lieu dans la nuit du 14-15 avril. D'accord. Donc ça fait un peu plus de 3 jours. Ouais. À peu près. James Cameron a passé plus de 3 jours sur le Titanic. Ok, ah voilà. Ouais. Ah bah, comme quoi, voilà, il s'est vraiment projeté, immergé, voilà, oui, on peut dire. Oui. pour le film. Et puis bon, bah voilà, le résultat est tel que dès qu'on prononce le nom... tout de suite, on a le film en tête, on a la chanson, bien évidemment. Enfin, voilà. Tous les souvenirs remontent. Merci, Aurore. Alors, si on se projette dans les prochaines semaines, bon, bah là, voilà, le Festival de Cannes vient d'ouvrir, est en cours. Forcément, il va y avoir énormément de films à venir dans les prochains jours. Bon, là, je pense qu'il y a quand même un film qui ou hype, surtout toi, Aurore, oui. Parce que je sais que tu es fan de la saga. Bon, moi aussi, quel est-il? Et bah, du coup, il sort le 21 mai. C'est un huitième film. C'est le huitième film d'une saga qui est mythique, qui s'appelle Mission Impossible. Ce sera le 8. C'est Final Reckoning va sortir. Donc, c'est la conclusion. Normalement, c'est le dernier film. En tout cas, ça avait été annoncé comme ça. Avec Tom Cruise. Donc, on va re-suivre Ethan Hunt dans sa dernière mission impossible. On retrouve tout le casting, Elliot Atwell qu'on avait vu donc dans le précédent, Simon Pegg, On a vu aussi, il y a Pomme. Ah oui, Klementiev. Klementiev. Ouais, j'ai plus exactement le nom de famille, mais je crois que c'est ça. Mais voilà, on va retrouver donc du coup oui. Pas mal et un peu la conclusion au parti 1 qu'on avait eu il y a deux ans. Ouais, je me souviens quand elle était sortie il y a 2 ans, voilà, c'était frustrant, obligé d'attendre. Puis ça y est, ça arrive. Voilà. Comme quoi, ça passe vite. Ça passe vite, ouais, effectivement. Donc voilà, il sort le 21 mai en salle. Bien, et le même jour, voilà, parce que bah au cinéma ils aiment bien faire de la concurrence, ça rappelle un certain Barbenheimer, enfin voilà, ils avaient fait un mix entre Oppenheimer et Barbie, parce qu'en effet c'est deux films diamétralement opposés, hein. D'un côté bon bah Mission Possible, grande saga, et de l'autre un remake live action de Disney pour changer. Voilà, il y a eu récemment Blanche-Neige qui n'a pas rencontré le succès au box-office. Voilà, c'est ça. Bah là, ils se disent bon, on va continuer, mais bon, le film était déjà tourné, mais je pense qu'ils sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont continuer ou pas, parce que bon, le succès n'est pas forcément garanti. Après, il y a quand même des belles surprises parfois. La Belle et la Bête avec Emma Watson, il était très bien. Oui, après c'était le seul. Après, qui, oui. C'est le seul qui a eu un succès. C'est ça, dire. Oui, voilà. Oui. Et il y avait déjà eu des live action. Oui, il y en avait déjà eu plusieurs. Oui, oui, oui, oui. Plus ou moins dark, on va dire. Oui. Mais oui, le Lilo et Stitch, on avait surtout peur sur l'aspect de Stitch. Oui. Finalement, ça va encore. Ils l'ont refait, je crois, ouais, il ouais, me semble, parce qu'il y avait eu des teasers ouais, et c'est, ça me fait penser à Sonic. Oui, exact, pareil, exactement pareil. Exactement. Voilà, là, il y a un petit peu plus de promo par rapport à effectivement Blanche-Neige où là, ils avaient voulu mettre oui. la promo sous oui. le tapis. Avec tout ce qui s'était passé. Ouais, c'est ouais. ça. Mm. Là, il y a eu un petit peu plus. On verra ce que ça donne. Oui. Voilà, c'est effectivement, ça contraste avec Mission Impossible. Oui, là, on est sur un public plus familial, oui, etc. pour les enfants. Oui. Et puis là, voilà, c'est l'arrivée de l'été, etc. C'est... Il sort au bon moment. Hawaïen, c'est bah ça, voilà. C'est le climat hawaïen, c'est oui, bah, en effet, c'est l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Donc bon, là encore, on a quand on voit la bande-annonce, c'est quand même, plan par plan presque le film d'animation. C'est le Alors principe, après, le film d'animation, il date hein, quand même, hein, ça fait bien 20 ans, j'en sais rien. Ça passe tellement vite, j'en sais rien. Donc bon, on l'a peut-être moins en mémoire. Bon, forcément, on s'en souvient bien parce que voilà. D'ailleurs, ils en avaient fait une suite, je crois, mais directement en vidéo. Parce qu'il y a une époque. Alors 2002, Lilo et Stitch. Ah, 23 ans. J'étais pas loin. Mais en tout cas, je sais qu'à une certaine époque, les premiers films sortent au cinéma et ensuite beaucoup sortent. Les suites sortaient en vidéo directement, en DVD ou en VHS parce que ils voilà. Fait en 2005, le Stitch 2. Oui. Et souvent d'ailleurs c'était des suites sans être vraiment des suites, ça revenait un peu au début, ça servait de spin-off, hein, bon. Donc c'est vrai que là Stitch est quand même un personnage emblématique hein, de Disney, il est irrésistible, hein, faut dire les choses. Voilà, ne serait-ce que sa voix aussi, elle est très particulière. Donc à voir, pourquoi pas, je pense qu'on peut passer un bon moment. Et puis voilà, si on a été fan du film d'animation, bon, je pense que ça peut être un petit plaisir coupable. Que de retrouver Stitch en film, en live action. Oui, oui, oui, on est bien d'accord. Donc voilà pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. N'oubliez pas d'aller voir donc Thunderbolts. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour parler de nouveau cinéma. Qui sait, voilà, ce sera peut-être Stitch, ce sera peut-être Mission Impossible ou un autre film. Parce que c'est vrai qu'avec la sélection cannoise, voilà, il y a de très bons et beaux films à venir. Et là, on arrive dans une période assez intéressante parce que c'était un peu calme. Et ouais, là, vraiment, la période mi-mai jusqu'à l'été. Bon, après, il va y avoir les blockbusters, bien évidemment, américains. Mais je pense que là, voilà, juste avant l'été, on va retrouver des beaux films. Donc, affaire à suivre. À plus, salut Aurore. À bientôt.